Je suis une mauvaise fille, mauvaise, méchante et dangereuse. J'aime les filles qui sont Gucci ou Prada. Quand t'es bébé les gens fumés à l'éclat nada. Je quiero mujeres quand t'es qui fumait la lala. Pas les petites qui font les gras. Laisse t'immuniquer et chichi. Y'a pas les gens roches ici. Jean-Jean en poche illicite. Y'a que des gens chauds ici. J'ai de quoi pousser au péché. Assez de pêche de chichon. T'inquiète, j'ai fait des achats. Chérie, viens vite te chercher. T'es vêtu juste d'un string ficelle. Regard qui fascine, c'est tendu, faut que je t'essaye. Fais pas la difficile fille. T'es sur le podium. Tes hanches qui bougent font saliver tous les hommes ici. Les gars s'excitent pour une fesse, ils peuvent aller à l'homicide. Bébé, j'aime quand avec un Glock t'es précis. C'est pour mes badial, mes wicked dial. Celle qui claque, j'en mets dans un wicked style. C'est pour mes gangsta go, dont le sang chaud. Qui partent en impro avec un 38 spécial. J'suis une bad girl, une wicked girl. Une qui claque, j'en mets dans un wicked style. J'suis une gangsta go, qui a le sang chaud. Ouais mec, j'pars en impro avec un 38 spécial. Mes gosses sont chaudes au minimum, une gazeuse à portée de main. Des jouets, métal hurlant à l'intérieur du sac à main. Hey, garçon, attention où tu mets les mains. C'est la femme de quelqu'un, bien. De toute façon, toute seule, elle se défend très bien. T'entends des... Vas-y, ok, qu'est-ce que tu veux les soirées hip-hop, c'est devenu tant de façon. Tu sais le truc qui finit avec un type charclé au tesson. C'était une dédicace à l'ex de mon ex, big up mec. Mais bon retour au gog, j'aime celle qui braque les tapettes. Mais raclis, aucune fesse plate dans ma jet set. Secoue ton ghetto booty, allie sur le rythme et claque sec. Y'a des bars dans les bagues, les frères sont drogués. Les sœurs ont trop bu, elles se mettent à nous draguer. C'est chaud, on est groggy face à nos gangsta go. Et t'entends les anciens regretter l'époque des slow. Rewind! C'est pour mes bad gyal, mes wicked gyal. Celle qui claque, j'en mets dans un wicked style. C'est pour mes gangsta go, pour le sang chaud. Qui partent en impro avec un 38 spécial. J'suis une bad girl, une wicked girl. Une qui claque, j'en mets dans un wicked style. J'suis une gangsta go, qui a le sang chaud. Ouais mec, j'pars en impro avec un 38 spécial. Elle secoue le bocho, elle cherche pas le verre. Big wicked ass, ça va rockin' à l'idenso. Les gars deviennent loco quand elle affiche les lolo. Personne en solo, tout le monde se pop. Bad gal, tu veux phénomène à l'ali. T'inquiète ce soir, on est en duo dans un lit, mamie. Tu veux goûter le dompé QV cristal. Je réchauffe les corps comme un verre de mezcal. Un festival dans la danse salle, on est dans la grande salle. Official avec mes gangsta gal. Levez-vous même ceux qui dansent mal. Ceux qui savent manier le fal. Classic gangsta, elle est mon style. Bébé, je te donne mon blaze, mon frontel. Quand t'es chaud, tu m'appelles, ensuite on fireburn them. Select a rewind. C'est pour mes bad gyal, mes wicked gyal. Celle qui claque, j'en mets dans un wicked style. C'est pour mes gangsta go, pour le sang chaud. Qui part en impro avec un 38 spécial. J'suis une bad gyal, une wicked gyal. Une qui claque, j'en mets dans un wicked style. J'suis une gangsta go, qui a le sang chaud. Ouais mec, j'pars en impro avec un 38 spécial. Gangsta quoi? Elle est gangsta gangsta. Ouais négro. C'est un jour. C'est un jour. Bande d'enfoirés. Taj Mahal sur le beat mec. Qu'est-ce qu'il y a? Yeah. C'est Saint-Joseph.